Aujourd'hui, émission spéciale sur l'eau. Eau, c'est un petit mot bien banal de 3 lettres, mais pas si banal que ça parce que l'eau est bien plus que celle qu'on boit tous les jours ou dont on se douche. Il y a aussi l'eau qui entre dans les procédés industriels, celle qui en sort. Il y a l'eau souterraine qu'on ne voit pas. Il y a l'eau des pluies qui seront plus ou moins fortes avec les changements climatiques. Et toutes ces eaux pluviales d'ailleurs qui tombent en ville, on fait comment pour, on les gère comment et on fait comment pour éviter les inondations. Alors c'est autour de toutes ces questions sur l'eau que nous allons naviguer ce soir avec nos invités du Centro. Que je vous présente tout de suite. Donc, je vais commencer avec Peter van Rolleghem, qui est professeur au département de génie civil et de génie des eaux à l'Université Laval, et il est aussi le directeur de Centro. Bonjour, monsieur van Rolleghem. Elena Torfs, qui est coordinatrice de ce centre, le Centro. Bonjour, Elena. Bonjour. Il y a aussi Marie-Ève Jean, qui est étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Également John Molson, qui est professeur au département de géologie et de génie géologique à l'Université Laval. Bonjour Monsieur Molson. Oui, bonjour. Et il y aura aussi Madame Céline Van Eckhout, qui est professeure adjointe au département de génie chimique à l'Université Laval également et qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Alors, peut-être après cette brève présentation, bien, entrons dans le vif du sujet. Mais avant tout, j'aimerais qu'on dise quelques mots du Centre Eau. Et je me tourne donc vers M. Van Rolleghem, qui est le directeur de ce Centre Eau. Donc, c'est un centre de recherche sur l'eau, installé, basé à l'Université Laval. Oui, et c'est, on regarde seulement l'eau continentale, on ne regarde pas l'eau marine, pas les océans, pas le nord non plus, l'eau solide, on ne regarde pas trop, sauf pendant la journée comme ci, on le regarde quand même. On existe depuis 2015. Oui, ça fait 4 ans qu'on travaille presque. Puis, mais il faut dire que Centro existait déjà en 1970 à notre département parce qu'ils avaient vu qu'il y avait pas mal de questions qui n'étaient pas encore, ils n'avaient pas de réponses encore. Puis pendant une quinzaine d'années, ils ont travaillé dedans. Après, ça a essoufflé un peu, l'énergie n'était plus là, puis on a arrêté le Centro. Mm-hmm. Mais on a réutilisé le nom parce que c'est vraiment très clair. Comme, oui, c'est simple. On ne se pose pas de questions sur le centre, sur un centre d'intérêt de ce centre. Et donc, c'est un centre, bon, c'est gros comme centre, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent Donc, il faut voir, il y a le Centro Université Laval qui a commencé en 2015, mais maintenant, on parle d'un regroupement stratégique. On est en train de former qui va exister, on espère, avoir de l'argent l'année prochaine. On commence déjà à travailler ensemble. C'est toutes les universités presque qui ont des spécialistes dans l'eau qui sont mis ensemble. Puis c'est les universités à Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, ici à Québec aussi, bien sûr. Et on a une cinquantaine de professeurs chercheurs qui sont membres réguliers. Ça veut dire qu'ils font plus que 50% de leur temps travaillent sur l'eau. Puis il y a 80, je pense, collaborateurs qui font aussi du travail dans l'eau, mais moins de 50%. Ils ont le statut de collaborateur. Donc, c'est quand même beaucoup de professeurs. Puis, on parle de presque 1000 étudiants gradués qui travaillent sur l'eau. Donc, ça fait beaucoup de cerveaux pour se pencher sur toutes ces questions de l'eau. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, quels sont les axes de recherche principaux? Donc, les 3 axes qu'on a organisés, c'est, il faut voir que Centro est unique dans, parmi tous les centres qui existent qui travaillent aussi de l'eau, parce qu'il y a des centres qui travaillent sur la biodiversité dans l'eau, l'écosystème. Nous, on regarde surtout la gouvernance de l'eau. La gouvernance, c'est comment est-ce qu'on gère l'eau, comment est-ce qu'on fait la réglementation de l'eau. Et donc, cet axe transversal qu'on a sur la gouvernance, elle est supportée par le conflit, disons, sur l'eau, qui est les usages de l'eau, qui sont partout, puis la disponibilité. Puis il y a toujours un manque d'eau pour certaines choses, puis la qualité de l'eau, la quantité de l'eau. On cherche donc de dévoiler ce conflit, cette bataille entre les usages et la disponibilité. Puis le gouverner, c'est faire la meilleure chose avec ce qu'on a comme disponibilité. Mais quelles vont être les différentes... Parce qu'il y a quand même plusieurs façons d'utiliser l'eau. Donc, est-ce qu'on peut dire 2-3 mots peut-être sur ces différents usages, sur les différents axes de recherche? Parce que là, gouvernance, c'est quand même assez vague. Je pense que je vais passer la parole à Elena. Elena? Oui, je vais peut-être aller un peu plus en détail. Donc, c'est un peu vague, mais c'est surtout parce que c'est si large un peu. Oui. Quand on parle de la gouvernance, de la gestion de l'eau, par exemple, au niveau de l'usage, on regarde dans les grandes villes, on regarde dans les petites collectivités, on regarde l'usage de l'eau pour boire, mais aussi au niveau de l'agriculture, pour l'irrigation, on regarde l'usage industriel. Donc, tout ça dans l'usage, on regarde les eaux pluviales aussi un peu dans cette, parce que c'est dans le contexte des grandes villes. Donc, c'est très large. Puis, de l'autre côté, la disponibilité, on regarde plutôt sur les prévision, donc la prévision de la disponibilité sur court terme, donc la fonte de neige par exemple, ah, les crues printanières, mais aussi sur long terme, quand l'effet des changements climatiques. Donc, puis la gouvernance, c'est vraiment qui, l'idée est d'amener toute cette connaissance ensemble pour pouvoir concilier l'usage et la disponibilité. En fonction de la disponibilité. Oui. Et de regarder la vulnérabilité. Oui. Voilà, donc, on s'intéresse également peut-être à la qualité de l'eau, parce que si de l'eau qui est polluée, elle n'est plus disponible. Oui, oui, sûrement. Donc, ça fait partie de la conciliation. C'est pas seulement est-ce qu'on a assez d'eau pour tous nos besoins, mais aussi est-ce qu'on peut garantir la qualité de cette eau maintenant et sur long terme pour de nouveau protéger nos besoins et les écosystèmes. Il y a différentes qualités de l'eau qu'on peut utiliser pour différentes choses. Quand vous faites le nettoyage de votre voiture, il ne faut pas avoir la même qualité de l'eau que pour boire. Mmh. Donc ici, on utilise beaucoup la même eau, l'eau potable qu'on utilise pour laver nos voitures, mais on pourrait faire mieux en utilisant l'eau de moindre qualité pour certaines activités. Donc c'est ce changement qu'on pourrait éventuellement voir dans le futur, qu'on va regarder, on va utiliser les eaux grises, les eaux de toiture, récupérer l'eau pour faire d'autres choses. Donc tout cet aménagement de la qualité de l'eau avec les usages, ça fait quelque chose qu'on va faire dans le centre de recherche. Et Elena, je crois que vous disiez aussi qu'il y avait que le centre eau mène des activités outre les activités de recherche. Oui, donc côté recherche, comme on a expliqué un peu la programmation de recherche, c'est le centre même ne fait pas de la recherche. Ce sont nos membres chercheurs qui font de la recherche. Le but du centre, c'est surtout de faciliter la recherche. Donc, on organise beaucoup d'activités avec le but, d'un côté, de stimuler les collaborations, donc de faire que les gens, surtout, savent avec qui collaborer sur l'eau au Québec. Donc, des activités de réseautage, aussi des activités pour vulgariser les connaissances qu'on a. Mm-hmm. On fait des conférences. Puis, on fait beaucoup pour des étudiants, parce que c'est clair qu'eux aussi, ils sont très importants dans le futur pour la recherche sur l'eau. Donc, on essaye vraiment d'aider les étudiants à pas juste avoir leur expertise à eux, mais de pouvoir mettre cette expertise comme dans un contexte plus large de la société en touchant à plusieurs aspects de l'eau. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités, parmi les activités de collaboration, on essaie de... Parce que c'est tous ces centaines d'étudiants et ces dizaines de chercheurs, des fois, qui se rencontrent pour partager leurs connaissances. Donc, il y a des colloques. Oui, on a des colloques scientifiques où on va vraiment, vraiment en détail sur la recherche. Mais on a aussi des apéros où on fait des 5 à 7. C'est intéressant, ça. Oui. Donc, c'est pour tous les professionnels. Apéro avec EAU. Sûrement avec EAU, ça, c'est l'apéro. Donc, ça, on organise chaque 2 mois ou quelque chose dans des bars ici dans le centre où c'est ouvert à tous. Donc, c'est pas juste aux membres. On essaie vraiment de sortir un peu aussi du monde académique pour rencontrer les autres professionnels qui travaillent dans l'eau. Donc, ou des citoyens intéressés. Oui. Parce qu'ils peuvent s'abonner sur l'infolette puis ils sont invités à ces activités-là. Mm-hmm. Puis il y a toujours quelqu'un qui va parler une 10 minutes de quelque chose d'intéressant qui s'est passé récemment ou quelque chose qui peut engager les gens de venir voir, écouter et boire. Et ça, c'est que ces activités, les apéros, là, ont lieu où? La dernière, c'était au Corrigan. D'accord. Donc c'est vraiment dans des lieux conviviaux, là. C'est pas, c'est pas dans le sous-sol, quelque part, à l'université. C'est rencontrer et s'amuser, en fait. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Puis on fait aussi des midi-conférences qui sont souvent à l'université, mais on les enregistre, puis ils sont disponibles sur YouTube aussi, sur notre chaîne, pour tout le monde. Puis des visites industrielles, qui sont souvent pour nos étudiants, mais on essaie de s'il reste la place, de le garder ouvert à tous. Mais souvent, il y a des gens qui viennent écouter ce qui se passe. Et j'imagine que l'eau n'est quand même pas une problématique juste québécoise. Donc là, on a le centre eau qui réunit beaucoup une force vive sur la recherche de l'eau au Québec. Mais est-ce qu'il y a des collaborations, des échanges avec ailleurs au Canada peut-être et ailleurs dans le monde? Je pense qu'on a un réseau global. Plein de nos chercheurs ont des liens un peu partout, beaucoup en Europe, au Canada bien sûr. Puis on profite de ça parce que ça nous amène à inviter des gens à venir chez nous parce que souvent ils viennent. Puis on peut leur faire donner une midi-conférence par exemple, ou un conférencier invité, ou discuter avec les étudiants. Puis nous aussi, on est invité à aller chez eux parce qu'ils nous connaissent, ils voient qu'au Québec il y a plein de choses qui se passent. Puis ils nous invitent aussi à partager nos connaissances avec eux. Donc c'est vraiment à l'international qu'on a fait beaucoup de choses. Puis le fait que ça existe va stimuler donc cette interaction parce qu'on va voir le réseau qui existe par Centro, qui va aussi faire la collaboration mm-hmm. entre les chercheurs à l'international qui vont utiliser nous comme façon de travailler ensemble. Et vous disiez en tout début que l'axe de recherche principal de Centro, c'était de s'intéresser quand même à l'eau continentale. Oui. Donc on ne parle pas des mers et des océans. Non. Et dans ce sens-là, le Québec occupe peut-être une position particulière relativement à toute l'eau douce qu'elle, mm-hmm. qu'elle a. Donc, est-ce que ça donne une position particulière au Québec par rapport aux autres? Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a beaucoup d'eau. Et il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas pourquoi nous, on travaille sur l'eau, parce qu'on a l'abondance de l'eau, puis mm-hmm. on peut diluer notre pollution, etc. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on est concentré quand même dans une petite zone, ici, autour du fleuve Saint-Laurent, puis on habite, puis on fait beaucoup de choses avec de l'eau qui est là, mais elle commence à manquer aussi. Il y a la pollution qui existe. Donc, ces défis sont, même chez nous, ils sont là. Mm-hmm. Ce qui nous permet d'avoir des choses qu'on peut exporter, qu'on peut okay. discuter ici à l'interne, puis avancer. Puis il faut former nos étudiants parce qu'ils vont travailler dans l'industrie, mm-hmm. dans la culture, en ville, puis ils vont être exposés à ces défis-là. OK. Je me demandais si les problématiques qu'on rencontrait ici pouvaient être exportées ailleurs et vice-versa, vu qu'ici, effectivement, on ne manque pas vraiment d'eau et que les problématiques ne sont peut-être pas les mêmes qu'en Californie, par exemple. Ah, j'allais juste prendre cet exemple-là parce qu'il y a une compagnie ici qu'on lit souvent dans les journaux ici, H2O Innovation. Ouais. Et puis ce qui est très spécial, c'est qu'eux, ils sont spécialisés dans la réutilisation de l'eau, qu'on ne discute pas ici, mais ils font avec le système membranaire. Puis ils ont fait les grosses stations de production d'eau potable à partir de l'eau usée en Californie, par exemple. Mm-hmm. Puis c'est une technologie qui a été développée ici, mais elle est exportée. Puis ce n'est pas à cause d'un problème ici qu'on a développé ça. Ils l'ont développé et ils ont vu qu'à l'international, on pourrait utiliser leur technologie. Oui, c'est intéressant tout ça. Ouais. En tout cas, ça nous donne un aperçu des activités de recherche de l'eau. Puis ça nous donne soif d'en savoir plus après un petit intermède, un petit pont musical.